OK, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on continue le point où on est arrivé, on parlait de la mort la dernière fois et on va continuer le passage qu'on avait commencé à lire. C'est lorsque le cheikh dit وعند الموت تقبض روح الإنسان من جسده بأمر الله تعالى. Lorsque la mort arrive, les âmes des hommes sont enlevées de leur corps par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste le paragraphe avant At-Tawassul bil Maut, At-Tawassul bil Maut. Ouais, juste le paragraphe avant. نعم. Donc il dit وقد أسند الله قبض الأنفس إلى إليه سبحانه في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها وأسنده إلى الملائكة في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وفي قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وأسنده إلى ملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولا تعارض بين الآيات والإضافة في هذه الآيات إلى كل بحسبه الله هو الذي قضى بالموت وقدره فهو بقضائه وقدره وأمره فأضيف إليه التوفي لأجل ذلك وملك الموت يتولى قبضها واستخراجها من البدن ثم تأخذها منه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ويتولونها بعده فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. Donc qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Il explique que la mort a été attribué, ou le fait de faire mourir a été attribué soit à Allah, soit aux anges, ou soit à l'ange de la mort en particulier, dans différents versets. Donc il a mentionné le premier verset dans lequel la mort, le fait de faire mourir est attribué à Allah, c'est-à-dire lorsqu'il fait prendre les âmes, c'est dans le verset dans Surat Zumar, il dit Allah reçoit les âmes lorsqu'elles meurent. Hein? L'âme lorsqu'elle meurt. Dans un autre verset où c'est attribué à l'ange, aux anges, Allah dit lorsque la mort dans un de vous arrive, nos messagers, c'est-à-dire les anges, prennent leurs âmes et ils n'ont aucune négligence en exécutant ce travail. Et après, dans un autre verset, il a dit aussi وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةِ, c'est-à-dire, et si tu verrais lorsque les anges prennent les âmes des mécréants, de ceux qui ont mécréé, si tu verrais lorsque cette chose-là se produit. Et dans un autre verset c'est marqué où c'est attribué à l'ange, directement à l'ange de la mort, il dit c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux messagers, c'est-à-dire aux hommes, dit c'est l'ange de la mort qui qui vous fait mourir, puis c'est lui qui vous a été assigné, c'est-à-dire pour la mort. Donc le cheikh, après avoir mentionné ces trois exemples-là, il dit qu'il n'y a pas de contradiction dans ces versets-là, parce que chaque attribution, c'est-à-dire pour chacune des attributions, soit à Allah, soit à ses anges, ou soit à l'ange de la mort, eh bien, c'est chacune d'elles est attribuée, mais d'un point de vue. Mais comme par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il fait mourir, c'est parce que c'est lui qui l'a prédestiné et qui l'a décrété. Donc c'est lui qui décrète la mort et qui l'a destiné. Et ça se passe donc, la mort se passe uniquement par son décret et par sa prédestination et par son ordre. Donc c'est pour cette raison-là que le fait de faire mourir lui revient, yani, est attribué à lui. Mais par la suite, aussi, il y a le fait que l'ange de la mort vient pour prendre l'âme. Hein. Et ça, tout ça, c'est par l'ordre d'Allah. Donc, l'acte est aussi attribué à l'ange de la mort qui la fait sortir, qui la prend et qui l'enlève, qui fait sortir l'âme du corps. Puis, après que l'ange de la mort l'ait fait sortir du corps, eh bien, les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment s'en occupent. C'est-à-dire qu'ils la prennent en charge, cette âme, par la suite. Donc, il est correct d'attribuer la mort à ces différents aspects-là selon le contexte, yani, dans le sens que c'est l'ange de la mort, ou soit c'est les anges de la miséricorde ou les anges du châtement, et puis c'est tout ça, ça a été décrété et ordonné par Allah. Donc, c'est correct dans les trois cas auxquels ça a été attribué, yani, le fait de, ou le principe de faire mourir a été attribué dans ces trois différentes situations. Ensuite, le chef il dit « At-tawaffi bil-nawm wa at-tawaffi bil-mawt », c'est-à-dire le fait d'enlever l'âme durant le sommeil et d'enlever l'âme, c'est-à-dire le fait de que ce soit la mort. Parce que dans les deux cas, Allah subhanahu wa ta'ala enlève l'âme de la personne, soit dans le sommeil et puis dans au moment de la mort. Donc, le chef il commence à expliquer, il dit « Ar-ruhu al-mudabbara » الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالنوم. Donc, le chef il dit que l'âme qui contrôle le corps, et bien c'est celle qui se sépare du corps au moment de la mort, et bien c'est l'âme qui a été insufflée dedans. Et c'est l'âme également qui sort du corps, qui se sépare du corps au moment du sommeil. Le prophète a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لما نام عن الصلاة, إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حيث شاء. قال له بلال, يا رسول الله, أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك الذي أخذ بنفسك. قال تعالى الله نعم. Donc il dit que le cheikh a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi une fois au moment de la prière, yani il dormait, il a dormi et la prière est passée. Donc quand il s'est réveillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah prend les âmes des hommes au moment qu'il décide, qu'il veut, et il la renvoie ou il la remet quand il veut. Ok, donc Bilal lui a dit, ya Rasulallah, celui qui a pris ton âme, celui qui a pris mon âme, c'est celui qui a pris mon âme. C'est-à-dire, ils ont dormi, Bilal aussi a dormi, donc ça, il n'avait pas appris, il n'a pas fait l'appel à la prière. Hein, il y a un hadith comme ça lors d'un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba, puis il y a un des sahaba qui devait rester debout pour surveiller, parce que lorsque l'aube allait arriver, il devait appeler par le adhan pour réveiller les autres. Sauf que je crois que c'était Bilal, il s'est endormi lui aussi. Donc, ils se sont réveillés et le soleil était déjà sorti, levé. Donc, je crois que le premier à s'être réveillé, c'était Bilal, si je ne me trompe pas. Et puis là, ils ont appelé à la prière, et puis là, ils ont fait la prière et tout ça. C'est juste pour donner un exemple qui est mentionné dans ce hadith. Ensuite, le cheikh, il mentionne le verset. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ الأرواح lors de la mort et il prend également l'âme de ceux qui ne sont pas morts durant leur sommeil. Donc celle qui est morte, il la garde. Et celle qui n'est pas, qui que c'est pas encore son heure, eh ben il la renvoie jusqu'à ce que son terme fixé arrive. Et là le cheikh il dit: قال ابن عباس وأكثر المفسرين يقبضها قبضين قبض الموت وقبض النوم ثم في النوم يقبض وعليكم السلام ورحمة الله ثم في النوم يقبض التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت النوم وقت الموت. Donc le chef dit que Ibn Abbas, la plupart des savants de tafsir ont dit que il prend l'âme de deux façons. Soit il prend l'âme à deux moments. Au moment de la mort, la première c'est au moment de la mort, il prend cette âme, et au moment du sommeil il la prend. Ça c'est le deuxième. Puis lors du sommeil, il prend l'âme, et lors du sommeil, il prend l'âme de celui qui meurt, et celui qui ne meurt pas, ben, il la renvoie vers le corps jusqu'à ce que le terme de la mort arrive. Khair, inshallah, on continue. Donc, le cheikh dit, on peut s'abattre à ce sahihayni an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana yaqul idha nam bismika rabbi. وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Donc le cheikh il mentionne ce hadith, en fait c'est un dua, il est rapporté dans As-Sahihain, Bukhari et Muslim, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque l'un d'entre vous va dormir, qu'il dise: par ton nom, mon Seigneur, je me mets sur mon côté, c'est-à-dire je m'allonge sur le côté, et c'est par toi que je me relève. Si tu gardes mon âme, alors pardonne-la et fais-lui miséricorde, mais si tu la ramènes, garde-la de la même façon que tu as gardé l'âme de tes serviteurs, puis un verset. Le chef dit: ça c'est une des deux interprétations au sujet du verset. En fait, c'est pas vraiment une grosse différence entre les deux positions. C'est juste que l'autre nous dit par exemple que Allah prend l'âme, comme on a vu ici, de celui qui meurt et de celui qui dort. Celui qui n'est pas encore, s'il n'est pas encore mort, il la remet. Sinon, il la garde. L'autre, elle dit le contraire. C'est-à-dire, il prend l'âme de celui qui dort, puis s'il meurt, il la garde. Sinon, il la remet. C'est presque la même chose. Donc, vous allez voir, Inch'Allah. Cheikh dit: هذا أحد القولين في الآية وهو أن الممسك والمرسلة كلاهما متوفى وفاة النوم. Donc, la première position, c'est que les deux, celui qui. L'âme qui est gardée et l'âme qui est envoyée, les deux sont, il a pris leur âme lors du sommeil. فمن استكملت أجلها أمسكها عنده ومن فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. Donc, celle qui est morte, il la garde, il ne la renvoie pas à son corps. Mais celle qui est arrivée à son terme, celle qui n'est pas encore arrivée à son terme, eh bien, il la renvoie à son corps jusqu'à qu'elle complète sa vie. والقول الثاني أن الممسكة من توفت أو توفيت وفاة الموت أولا والمرسلة من توفيت وفاة النوم. Donc le premier, il dit, la deuxième position, c'est que celle qui est gardée, c'est celle qui est, que Allah a pris son âme lors de la mort en premier. Et celle qui est renvoyée, c'est celle qui est envoyée parce que Allah a pris ça, son âme pour le sommeil. والمعنى على هذا أن الله يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها قبل يوم القيامة ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها وفاة الأخرى. Donc c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il prend l'âme du mort, c'est l'interprétation globale, tu vois, il prend l'âme du mort et il la garde. Et il ne l'envoie pas jusqu'au jugement dernier. Tandis que l'autre, il prend son âme, celui qui dort, puis il l'envoie à son corps jusqu'à ce que son heure, sa mort finale arrive. Et il dit, وَقَالَ تَعَلَى هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. C'est lui qui vous prend vos âmes lors de la nuit, ou durant la nuit. Donc là, ça vient terminer cette partie-là. Après, le cheikh, il dit, حَقِيقَةُ الرُّوحِ. La réalité de l'âme. Cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم وتعذب وليست هي البدن ولا جزء من أجزائه. ولما كان الإمام أحمد رحمه الله ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك. Donc Ibn Taymiyyah il dit ici que la voix des Sahaba et des Tabi'in, ceux qui les ont suivis en bien, et le reste de tous les imams parmi les Salaf et les imams de la Sunna, leur position c'est que l'âme est une chose qui se tient par elle-même et qui se sépare du corps. Elle est punie et elle peut être aussi, elle reçoit une récompense, une grâce, hein, et elle peut également être châtiée. Et elle n'est pas le corps. Donc il y a une distinction entre le corps et l'âme. Il y en a qui pensent que le corps et l'âme sont une seule et même chose. Mais ça c'est incorrect. Et le chef il dit, et ce n'est pas une partie du corps. Ce n'est pas une des différentes parties du corps. Elle ne fait pas partie d'aucune des parties du corps. ولما كان الإمام أحمد رحمه الله يبي إتنيك الإمام أحمد a mentionné quelque chose à ce sujet-là, il a exprimé cette position-là, hein, et comme également beaucoup d'autres que lui parmi les imams l'ont mentionné, personne parmi ses compagnons n'ont eu de divergence là-dessus. D'accord. Après, il dit dans un autre endroit, dans son مجموع فتاوى, il dit والصواب أنها ليست مركبة من الجوهر الفردة ولا من المادة والصورة وليست من جنس الأجسام المتميزات المشهودة والمعهودة وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليها تصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسيل منه كما جاءت بذلك النصوص ودلت عليه الشواهد العقلية. Donc le chef il dit quoi ici? Il dit que la position correcte au sujet de l'âme c'est qu'elle n'est pas composée de différentes essences et que sa matière et son apparence n'a rien de qu'est-ce que les choses qu'on connaît dans notre monde. Il est possible, il dit, de la montrer. C'est-à-dire de la montée, de la pointée du doigt, l'ishara. L'ishara, il est là. Elle peut monter, elle peut descendre, elle peut sortir du corps, et puis elle peut en couler. Elle peut en sortir comme un liquide, hein, peut sortir de notre corps. C'est-à-dire, elle coule, ça file. Okay? Et ça, c'est expliqué dans le hadith, qu'on va lire après, inshallah, qui explique que les anges de la miséricorde, ils vont venir prendre l'âme et elle va couler du corps comme yani, quelque chose de liquide, yani, comme de doux. Yani. Donc le chef il dit quoi après? Il dit que l'âme elle peut monter, elle peut descendre, elle peut sortir du corps et elle peut même enfouler. Et le chef il dit comme ça, d'alika, bi dhalika an-nusus wa dallat 'alayhi ash-shawahid al-'aqliyya, comme les textes du Coran et de la Sunna ont prouvé cela, et de même que les témoignages rationnels sont capables de démontrer cela. Il dit أما قول القائل إن مسكنها من الجسد فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد فإن الحياة مشروطة بالروح فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. Donc le chef il dit que en ce qui concerne la question d'une personne qui demande où est l'âme, où se situe l'âme par rapport au corps, eh bien le chef il dit qu'elle n'a pas un endroit particulier dans le corps, mais qu'elle circule dans le corps comme la vie qui circule dans le corps. Et elle n'est pas dans un endroit ou une partie précise du corps, elle est dans tout le corps au complet. Et il dit que l'âme est une condition pour la vie. Et quand l'âme est dans le corps, donc la vie est dans le corps. Mais si l'âme sort, la vie en sort également. Donc c'est une condition que l'âme soit dans le corps pour que le corps soit vivant. Le corps ne peut pas vivre sans l'âme. Le chef dit après, ar-ruh makhluqa. L'âme est créée. Ça, c'est un point très important. Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah, surtout pour réciter les soufis. Beaucoup de soufis croient que l'âme, c'est une partie de Dieu, que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Et ça, c'est une des choses qui amène les gens à croire beaucoup de choses en ce qui concerne le shirk. Hein? L'âme, elle est créée par Allah SWT. Le Cheikh, il dit, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, روح الآدمي مخلوقة. مبدعة أو مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف المسلمين. الشيخ الذكر الإمام ابن تيمية دي مجموع الفتاوى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لفوليم 4 page 216 دي لام de l'être humain est créé. Ça c'est selon le consensus des salafs de cette Ummah et le consensus des imams des salafs et des imams al-Sunnah al-Jama'ah. Ils sont tous d'accord. Et même que beaucoup de ulama ont mentionné qu'il y a le consensus des savants à ce sujet-là. C'est-à-dire que l'âme n'est pas créée. C'est-à-dire que le consensus des ulama, que l'âme est créée. Et ce consensus a été rapporté par plusieurs parmi les imams des musulmans. Cheikh dit, قال تلميذه العلامة ابن القيم والذي يدل على خلقها أو خلقها وجوه وذكر 12 وجها. Donc l'élève d'Ibn Taymiyyah, son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, il dit que parmi ceux qui prouvent que l'âme est créée, eh bien, il dit le cheikh que Ibn Qayyim a mentionné 12 arguments différents pour montrer que l'âme est créée. Mais là, il ne les mentionne pas toutes. Il ne fait qu'en mentionner quelques-unes d'entre ces 12-là. Sauf que, si on retourne au livre de l'imam Ibn Qayyim qui s'appelle Ar-Ruh, en fait, le titre du livre, il s'appelle Ar-Ruh. Donc si on retourne à ce livre, bon, pour avoir les détails de chacun de ces arguments-là, on peut les trouver. Ou bien peut-être une partie. Mais c'est un très beau livre, hein. Je pense. Ouais, ok. D'après moi, ils ont juste traduit quelques passages dedans. Non, c'est vrai, hein. C'est pas comme un Saoudi, hein. Mais avec le Mikhaï, il dit ça autrefois. Avec les. Salim, Havan. Akhon al-Karim. Non. Alhamdulillah, je suis très content. J'ai pas eu le temps de m'asseoir avec le frère depuis, là. Inch'Allah, on aura de l'occasion, Inch'Allah, j'espère bientôt, là. Avant. Ah ouais? Ah, ok. Donc, tu es en vacances aujourd'hui. Non? Pourquoi tu veux qu'il arrête tout de suite? Non, pas. Ah, ok. Ah ouais? Tu es fatigué? Inch'Allah. Si on pouvait avoir cette réaction. Ibrahim, il faut partir. Ibrahim, il y a de la chance. Ça, on va continuer, Inch'Allah. Donc, le cheikh dit, parmi les arguments, منها قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا اللفظ عام لا تخصف فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفاته فإنها داخلة في مسمى اسمه فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. Donc parmi les arguments qui montrent que l'âme est créée, c'est que Allah dit Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Donc l'âme est inclue là-dedans. Et le chef il dit que ça c'est un mot qui est général, une chose qui, un verset qui est général, et il n'y a pas de d'exception qui entre dans cette citation ou dans ce verset. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'entrent pas dans ce verset-là. C'est-à-dire, les attributs d'Allah ne sont pas créés. Parce que, yani, les attributs d'Allah, ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est les descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu et il est décrit, c'est décrit par les attributs de perfection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est, lui, dans son être et dans ses attributs, le créateur de toute autre chose et tout autre que lui, tout autre en dehors de lui est créé. Donc ça c'est son premier argument. Il y en a un autre qui dit وَمِنْ هَا قَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا وَهَذَا الْخِطَابُ لِرُوحِهِ وَبَدَنِهِ وَلَيْسَ لِبَدَنِهِ فَقَطْ فَإِنَّ الْبَدَنَ وَحْدَهُ لَا يُفْهَمُ وَلَا يُخَاطَبُ وَلَا يَعْقِلُ وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. Donc le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset et je t'ai créé toi avant que tu ne sois rien du tout. C'est-à-dire lorsque tu n'étais rien du tout, c'est moi qui t'ai créé. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là il s'adresse à l'âme et au corps. Il dit parce qu'il ne peut pas parler à l'âme tout seul. Pardon, il ne peut pas parler au corps tout seul, parce que c'est, le corps, lui, à lui tout seul, le corps ne comprend pas, et on ne s'adresse pas à lui, et il ne réfléchit pas, hein. Le corps tout seul, sans âme, n'est pas vivant, c'est mort. C'est comme parler à un morceau de viande, hein. Vous marchez à un morceau de viande, vous parlez à un morceau de viande, le morceau de viande ne comprend pas beaucoup. C'est comme parler à un mort. Parler à un mort, le mort, il n'entend pas, il ne comprend pas, la même chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à l'âme en premier et au corps. Donc quand il dit « et je t'ai créé alors que tu n'étais rien », donc ça veut dire qu'il a créé l'âme et le corps aussi. Un autre exemple qu'il donne, c'est que « وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ». Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « et nous avons créé, puis nous avons formé, puis nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam. » Et il dit, le cheikh, « وَهَذَا الْإِخْبَارُ إِمَّا أَنْ يَتَنَاوَلُ أَرْوَاحُنَا وَأَجْسَادُنَا أَجْسَادُنَا كَمَا يَقُولُ الْجُمْهُورُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى الْأَرْوَاحِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَجْسَادِ كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَزْعُمُ ذَلِكَ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي خَلْقِ الْأَرْوَاحِ. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que dans ce, le cheikh il dit dans ce verset là il y a une preuve qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse que, aux hommes. Il dit soit que comme on dit, si on dit comme la plupart des ulama que ça implique l'âme et le corps, ou bien pour ceux qui disent que que c'est les âmes qui étaient là avant le corps, comme certains disent ça, mais ils disent dans ce cas-là aussi, ça revient au même, et c'est une preuve claire que les âmes sont créées. ومنها النصوص الدالة على أن الإنسان عبد لجملته. وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه بل عبودية الروح أصل عبودية البدن وتبع كما أنه تبع لها الأحكام تبع لها في الأحكام وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع لها في العبودية. Donc le chef il dit que parmi les preuves également parmi les choses qui prouvent que l'âme est créée, il y a le fait que l'être humain est un abd, est un serviteur, un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il soit un abd, eh bien, c'est pas seulement qu'il est un esclave dans son corps, sans son âme, mais il est un esclave dans son corps et son âme, les deux ensemble. Et en fait, il dit que la base même du fait qu'on est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça commence en premier par notre âme, parce que c'est notre âme qui contrôle notre corps. Et donc, ça suit, le corps suit l'âme dans une règle, et c'est l'âme qui fait fonctionner le corps, etc., etc. Donc, le cheikh dit, وَمِنْهَا قَوْلُهُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Donc, le cheikh il mentionne ce verset dans Surat al-Insan, qui est le premier verset, qui dit il y a un temps où l'homme n'était même pas une chose mentionnable, c'est-à-dire avant la création. Donc l'homme à un certain moment donné n'était rien de mentionnable, c'est-à-dire il n'existait même pas, et après il a été créé. Donc الشيخ يقول فلو كانت روحه قديمة في صنامة إنسان لكن يستوى بعضها فكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا فإنه إنما هو إنسان بروحه لا بدنه donc il dit si l'âme de l'être humain était toujours éternel qu'elle existait depuis toujours et bien dans ce cas là Allah n'aurait pas dit qu'il n'était quelque chose qui n'était pas mentionnable auparavant. Et il n'avait pas dit ça au sujet de l'âme. Donc ça c'est un autre argument qu'il a utilisé. Et il dit, ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جلود مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم qui dit les âmes sont comme des troupes enrégimentées. Celles se connaissaient auparavant, elles se rassemblent, elles se réunissent, elles restent ensemble, et celles qui ne se connaissaient pas auparavant, elles divergent, elles s'éloignent les unes des autres. Ok, ومنها, donc, celles qui se connaissaient, elles se rassemblent, et celles qui ne se connaissaient pas, elles se divergent, ou elles divergent entre elles. والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. C'est ce qu'il dit. Et les armes qui sont enrégimentées, les armées enrégimentées, elles sont créées. Donc, c'est ça, un autre argument. Il dit, ومنها أن الروح توصف بالوفاة والقبض. والإمساك والإرسال وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. Donc le chef il dit et que l'âme on la décrit comme étant par la mort, on en parle en disant qu'elle meurt, qu'elle est enlevée ou qu'elle est prise, qu'elle est ramenée ou qu'elle est envoyée, des choses de ce genre. Il dit et ça on dit ça uniquement des choses concrètes et qui ont un Seigneur de fidèles, c'est-à-dire qui sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres arguments également du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, parce que beaucoup d'entre eux se basent sur le verset qui dit, par exemple, quand il dit, on a soufflé en elle de notre âme, en parlant de Isa, par exemple, par exemple, une âme venant de sa part. aussi des versets de ce genre, il y en a qui mentionnent le fait que Allah souffre de son âme, d'accord. Et puis il y a aussi le fait que donc ça c'est très fort les choubouhats qui utilisent, c'est de dire que l'âme est comme si dit que c'est une partie de Dieu ou des choses de ce genre. Et ça, parfois Allah a pu utiliser comme un adjectif possessif, et puis pour montrer comment Allah donne un certain respect ou comment il veut élever certaines de ses créatures et puis lui donner un certain respect, il en parle comme étant la sienne. Hein? Mais comme par exemple, quand il dit, en parlant de la Kaaba, il a décrit comme étant sa maison, Bayti. D'accord? Et quand il parle également de, par exemple, An-Naqa, Naqatullah, la chamelle que Allah avait envoyée à Thamoud. Si je ne me trompe pas, c'est à Thamoud. Il l'a décrit comme étant la chamelle d'Allah. D'accord? Ou bien, quand il parle de, il y a des choses de ce genre-là. Donc quand il parle de Isa, par exemple, il dit, notre âme et tout. Il faut faire la distinction lorsqu'il parle, lorsqu'Allah parle de ses attributs, à lui, quand il parle de sa main, ou de ses yeux, ou quand il parle des choses qui font partie de son être, ça c'est une chose. Mais quand il parle de sa création, quand il parle, par exemple, de la maison, Al-Bayt, quand il parle de la chamelle, des choses comme ça, là, il parle de sa création. Et là, il faut faire la distinction entre les deux. Et la preuve que l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, et que c'est une chose qu'il a envoyée à l'homme, c'est que le prophète Mohammed a dit, يجمعوا خلف أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Donc qu'est-ce qu'il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit que la création d'un entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère 40 jours dans l'état de moudra. Puis il reste encore 40 jours comme une alaqa. Puis encore 40 jours comme, premier moudra. Après alaqa, après moudra. Après, Allah envoie l'ange et il insuffle en lui l'âme. Donc, cette âme qu'il a envoyée, c'est l'âme qu'il envoie par l'ange pour souffler en l'être humain. La même chose que lorsque quand il dit on a soufflé en Marie de notre âme, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'ange pour qu'il souffle en Marie, son l'âme, c'est-à-dire Isa. Et Kalima, toujours, Allah l'a appelé sa parole, une parole venant de lui. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est le fait qu'il l'a créé en disant Kun, Sayakun, rien qu'il a. D'histoire et il est. C'est ça la signification. Mais pas que l'âme est une partie d'Allah et qu'Allah est centré en l'être humain, hein, comme certains parmi les chrétiens et parmi les juifs ou d'autres, parmi les d'autres même croyances comme le soufi. Hein, ça, c'est même dans la civilisation grecque, hein, il y en a qui pensaient que certains hommes sont divins plus que d'autres, ou même dans l'hindouisme, ou d'autres civilisations, ils pensent ça. Donc, ouais, parce que ça fait un de leurs points parmi les croyances de Shangura, c'est qu'ils ne croient pas que l'âme est immortelle. Ils disent que l'âme c'est le corps, et le corps c'est l'âme. Ils ne font pas une distinction entre un corps et l'âme. Ils disent que quand tu meurs, quand ton âme. En tout cas, c'est bizarre. Alors. كيفية قبض الروح المتوفى ومآله بعد وفاته. قد جاء بيان كيفية التوفي ومآل الروح بعده في حديث البراء بن عازب الطويل, وهذا النص. Donc là on va lire le hadith qui parle de la description, comment les anges prennent l'âme du mort et qu'est-ce qui se passe après. Et c'est un hadith qui est assez long, rapporté par Al-Bara ibn Azib. Ok. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, « Kunna fi janasatin, fi janasatin fi baqi' al-gharqad, فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. نعم. فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. Donc il dit, nous étions dans une janaza, un enterrement dans Al-Baqir, c'est le cimetière dans Al-Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il s'est assis autour, et nous sommes assis autour de lui. Il s'est assis et nous sommes assis autour de lui comme si sur nos têtes il y avait des oiseaux. Une expression pour dire que ils étaient immobiles, puis ils ne bougeaient pas, personne ne parlait. Et s'ils avaient des oiseaux sur leur tête, ça veut dire si tu bouges, l'oiseau va s'en aller, donc c'est pas rien. Donc c'est une expression. Et là, ils étaient en train de creuser le trou et de faire le fossé, là. Parce que quand on enterre quelqu'un, on fait le trou, puis on creuse un trou dans le côté. Donc c'est ça, ils étaient en train de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois fois, A'ouzou billahi min azab al-qabr. Je cherche la protection d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre le châtiment de la tombe. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطع من الدنيا وعليكم السلام ورحمة الله نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. Donc qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il dit que lorsque le serviteur croyant arrive vers l'au-delà, c'est-à-dire commence à arriver vers la fin de sa vie et que sa dunya se termine, les anges descendent vers lui. Et leurs visages sont éclatants comme le soleil. Et ils amènent avec eux un genre de linceul, parmi les linceuls du paradis. Et avec un parfum. Dedans ce linceul, il y a un parfum comme les parfums du paradis. Et ils s'assoient d'une distance de la distance du regard. C'est-à-dire jusqu'où ton regard est capable de regarder, c'est à cet endroit-là qu'ils s'assoient. C'est-à-dire qu'ils attendent le moment. Alors là, l'ange de la mort arrive et il s'assoit sur sa tête, ou près de sa tête. Et il lui dit, « Oh, toi, bonne âme, sors vers le pardon et l'agrément de ton Seigneur. » فَقَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقِطْرَةُ القطرة من السقاء أو في من القطرة من في السقاء. Donc elle sort et elle coule comme une goutte d'eau qui sort d'un contenant qu'on verse de l'eau dedans avec. Ça y خذها. Donc l'ange de la mort il la prend. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Donc elle sort et aussitôt qu'il l'a pris, l'ange de la mort, les deux anges qui sont descendus, les anges de la miséricorde, ils lui ont rassuré de ses mains. Plus vite qu'un clignement d'yeux. Aussitôt qu'il l'a enlevé, il a pris cette âme-là, quand elle a fini de couler, il lui enlève. Et il la prenne et il la met dans ce linceul parfumé. Et son âme sort comme le meilleur muscle, le muscle le plus, avec le meilleur parfum يعني كي يكسس دانس المون. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Donc lorsqu'ils prennent son âme, ils montent avec elle. Et à chaque fois qu'ils passent près d'un des gens du ciel, c'est-à-dire parmi les anges, eh bien, ils disent, qui est cette belle âme, cette bonne âme, qui s'en suit bon? Alors, ils disent, c'est un tel, fils d'un tel. Et ils l'appellent par les plus beaux noms que cette personne-là, par lesquels on l'appelait dans cette dunya. حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. Donc lorsqu'ils arrivent, ils arrivent au ciel, aux portes du ciel, et ils demandent la permission pour entrer. Alors on les laisse entrer. Et donc, ils sont amenés comme ça d'un ciel à l'autre, en montant. حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel, au dernier des cieux où Allah SWT est. فيقول الله SWT, يقول الله عز وجل, اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها تخرجهم تارة أخرى. Donc Allah SWT dit, écrivez le livre de ce serviteur dans l'Aliyin, c'est-à-dire parmi les hauts placés dans le paradis. Donc, et après Allah dit, et ramenez-le sur terre, c'est-à-dire dans son corps, car c'est de cette terre que je les ai créés, et c'est vers elle que je les renvoie, et c'est de cette terre que je vais les faire ressortir une fois encore, c'est-à-dire au jugement dernier. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on lui ramène son âme dans son corps et deux anges lui viennent et il lui demande qui est ton Seigneur. Il dit mon Seigneur est Allah, Rabbi Allah. Alors il lui demande et quelle est ta religion? Il dit ma religion c'est l'islam. Et il lui demande qui était cet homme qui a été suscité parmi vous? Il dit, c'est le messager d'Allah. Alors il lui dit, et quelle est ta connaissance? Il dit, j'ai lu le Coran. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il dit, j'ai lu le Coran et j'ai cru. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, quelqu'un va appeler dans le ciel en disant, mon serviteur a dit vrai. Alors, mettez-lui comme un tapis du paradis, et puis on va lui ouvrir une porte vers le paradis. C'est-à-dire une porte, on va voir le paradis. قال فيأتيه من روحه فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. Donc il va lui venir de cette porte du paradis un vent et une odeur du paradis, du parfum du paradis. Et on va lui élargir sa tombe de la largeur du regard. Là où son regard est capable d'atteindre, c'est jusqu'à cette distance-là qu'il va être élargi dans sa tombe. Après le chef, le hadith, il dit, قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un homme qui va venir le voir dans sa tombe. Et il a un beau visage et des beaux vêtements et une belle odeur. Alors, il va dire, cet homme-là va dire, réjouis-toi de ce qui va te faire plaisir. Voici ton jour, celui qu'on t'avait promis. Alors il va dire, la personne, qui es-tu? Et la personne va dire, il va dire, qui es-tu? Parce que ton visage, c'est le visage de quelqu'un qui vient avec quelque chose de bien. Alors il va répondre, je suis tes bonnes œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tes bonnes œuvres apparaissent dans ta tombe, dans l'image d'un homme, avec un beau visage, des beaux vêtements, et une belle odeur, et tes bonnes actions vont te parler. C'est-à-dire, qui es-tu? Je suis tes bonnes œuvres. Et là, le mort, il va dire quoi dans sa tombe? Il va dire, oh Allah, oh mon Seigneur, fais venir le jugement tout de suite, fais venir l'heure tout de suite, je veux retourner à mes biens et à ma famille et à mes biens. C'est-à-dire, là, il a hâte, maintenant qu'il sait qu'il a, Inch'Allah, une bonne destination, qu'il va aller au paradis, il a hâte, maintenant que le jugement soit établi. Après le hadith continue, il dit, قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. Donc, ça c'est qu'est-ce qui se passe maintenant pour le kafir lorsque les anges viennent pour prendre son âme. Et puis lorsque le serviteur kafir a terminé dans cette dunya et qu'il arrive maintenant vers l'au-delà, des anges descendent vers lui. Mais c'est des anges avec des visages sombres, des visages noirs, et ils portent avec eux al-musour. Al-musour, c'est un genre de vêtement qui est fait avec du poil vraiment dur, hein. Donc c'est quelque chose de dur. Et il y a tout la même humeur dans le bassin. Il s'assoit à une distance du regard, aussi loin que le regard. Et l'ange de la mort arrive, et elle s'assoit près de sa tête, et elle dit, ô toi, mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, قال, فَتُفَرِّقُوا فِي جَسَدِهِ. Donc, aussitôt que il voit cet ange arriver, l'ange de la mort qui l'appelle, l'âme se disperse dans son corps pour éviter de se faire arracher. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا. Donc, il arrache cette âme du corps comme une broche quand on la tire de la laine mouillée. Hein? Si une broche est accrochée dans de la laine et qu'on essaie de l'arracher, cette broche de la laine, eh bien, c'est très difficile à la faire sortir. Eh bien, c'est de cette façon-là que l'âme du kafir aura de la, il va avoir de la difficulté à la sortir parce que justement elle ne veut pas sortir. Elle sait vers quoi elle s'en va. Que Allah nous en protège. Alors il va la prendre. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُورِ. Donc, la même chose, aussitôt qu'il l'a pris, l'ange de la mort, eh bien, les anges du châtiment, ils l'arrachent de ses mains, ils ne la laissent même pas le temps d'un clignement des yeux, il enlève son âme de ses mains, des mains de l'ange de la mort, et il la place dans ce tissu-là, dans ce vêtement-là qu'ils ont amené. ويخرج منها كأنتم ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض. Et il sort de cette âme l'odeur la plus puante de toutes les odeurs qui existent sur la surface de cette terre. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان. Donc chaque fois qu'ils montent, chaque fois qu'ils prennent cette âme et qu'ils passent vers les anges, ils disent qui est cette mauvaise âme, parce qu'ils sentent la mauvaise odeur. Et ils disent c'est un tel fils d'un tel. بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. Il appelle des plus les noms par lesquels on l'appelait dans cette vie. D'accord. Ok, alhamdulillah. Donc, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc, on était arrivé au point où, là, on avait expliqué que, là, les anges, ils prennent cette âme et ils montent avec. Et, à chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils rencontrent un ange, les anges demandent, qui est cette mauvaise âme? Alors, ils disent, c'est un tel, c'est un tel. Et yani, ils le décrivent par les plus les noms par lesquels on l'appelait dans cette vie, yani, dans cette dunya. Oui, ça c'est le kafir. حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح أو فيستفتح له. Jusqu'à ce qu'il arrive aux portes ou à la fin de ce dernier ciel, le ciel de cette dunya. Il arrive à la porte et on demande qu'on lui ouvre ou qu'on ouvre pour lui, pour cette âme. فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Ça c'est un verset, ok, c'est que là il demande qu'on lui ouvre la porte et on ne lui ouvre pas, la porte ne lui est pas ouverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité à ce moment-là, il a récité le verset dans Surat al-A'raf, et on ne lui ouvre pas les portes du ciel, et ils n'entreront pas le paradis, jusqu'à ce que le chameau passe par le trou d'une épingle. Hein? Donc ça c'est le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Après, le hadith il dit فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. Allah SWT va dire écrivez son livre dans un sijin, c'est-à-dire dans sur cette terre, hein, dans le bas de cette terre, en dessous de cette terre, ou dans la terre inférieure. تطرح روحه طرحا son âme sera lancée ou jetée. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Là ils vont jeter son âme, ils vont la lancer par terre. Et il a récité le verset, celui qui fait le shirk avec Allah Ta'ala, qui commet le shirk, c'est comme si son âme tombe du ciel et elle se fait accrocher ou arracher par les anges, elle se fait arracher par les oiseaux pendant qu'elle descend, ou ou comme quelque chose qui se fait souffler par un vent fort vers un endroit yani, lointain. Yani. Donc, ça veut dire que yani, c'est la, l'exemple qui est donné pour les âmes du Kuffar et du Mushrikin. Et on avait expliqué ce verset-là quand on a parlé au sujet du Tawhid et tout ça, on avait donné l'interprétation yani, de ce que ça signifie. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار Donc, les deux anges vont, son âme va retourner dans son corps, les deux anges vont venir à lui. Et, ils vont s'asseoir près de lui, et ils vont lui dire, qui est ton Seigneur? Et ils vont dire, et la personne va dire, ha, ha, je ne sais pas. Et ils vont dire, et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Il va dire « Ha, ha, je ne sais pas ». Alors, une voix va appeler dans le ciel qui, en disant « Mon serviteur a menti ». Alors, faites-lui un tapis de feu, hein, déroulez-lui un tapis de feu et une porte vers l'enfer lui sera ouverte dans sa tombe. « Faya'tihi min harriha wa sumumiha » Et yani, son odeur et sa chaleur en sort. Il va prendre de la chaleur et de l'odeur de cette porte vers l'enfer. فَيَدِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ Et sa tombe va se rétrécir sur lui à un point tel que sa cage thoracique elle s'écrase et elle rentre les unes dans l'un dans l'autre comme ça, comme si sa cage thoracique est écrasée tellement sa tombe se rétrécit sur lui. فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُؤُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ Et un homme va lui venir, mais c'est un homme qui est laid. Et il a un visage laid et ses vêtements sont laids. Et ses vêtements ont une odeur, une puante. Et il dit, je t'annonce ce qui va te faire du mal, ce qui va te déplaire. Alors il dit, c'est ton jour lequel on t'avait promis. Alors il va dire, qui es-tu? Il va dire, qui es-tu? فوجهك الوجه الذي لا يجيء فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر qui es-tu le visage avec lequel tu viens et le visage de celui qui vient avec quelque chose de mal quelque chose de mauvais فيقول انا عملك الخبيث je suis ta mauvaise action فيقول ربي لا تقم الساعة il va dire oh mon Seigneur ne fais pas établir ou ne fais pas venir l'heure C'est-à-dire là, lui, contrairement aux croyants, il ne souhaite pas que l'heure du jugement arrive. Rawahu l'imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa al-Hakim, wa Abu Awana, fi sahihayhima, wa Ibn Hibban. Donc, il a été rapporté ce hadith par l'imam Ahmad et Abu Dawud et al-Hakim, et Abu Awana dans leur sahih, et aussi par Ibn Hibban. Et il dit, le شيخ الفوزان يقول قال شارح الطحاوية وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد في الصحيح le celui qui a fait l'explication du livre الطحاوية c'est-à-dire l'Aqid الطحاوية il a dit en parlant de ce hadith que ce hadith là ou qu'est-ce qui est dans ce hadith il a été accepté par tous les gens de أهل السنة et de hadith Et il y a beaucoup de versions de ce hadith dans le Sahih qui témoignent de ce hadith-là. Il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de choses qui témoignent de l'authenticité de ce hadith. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الحديث المذكور في قبض الروح في قبض روح المؤمن وأنه يصعد بها إلى السماء يصعد بها إلى السماء التي فيها الله فهذا حديث معروف جيد الإسناد وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير انتهى. Donc Ibn Taymiyyah il dit en ce qui concerne le hadith qui est rapporté au sujet du fait qu'on prend l'âme du croyant et qu'on l'amène et on l'élève aux cieux dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est. Ce hadith-là est connu et il a une isnad, une chaîne qui est bonne. Et en ce qui concerne le terme fih Allah, c'est-à-dire le ciel dans lequel Allah est, bimanzilati qawlihi, et bien ça se compare à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit a'amintum man fis sama, vous sentez-vous en sécurité que celui qui est dans les cieux fasse s'enfoncer la terre avec vous et la voilà qui bouge, ou vous sentez-vous en sécurité que celui qui est dans les cieux fasse tomber sur vous des pierres, ça s'appelle la moune, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc ça c'est l'exemple que Ibn Taymiyyah a donné pour montrer, pour nous faire comprendre que lorsque Allah il dit par exemple qu'il est dans les cieux, qu'est-ce que ça signifie? C'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, le ciel dans lequel Allah est, quand il monte avec l'âme dans les cieux. Parmi les gens de Bid'a, il y en a qui ont dit, comment vous pouvez dire que Allah est dans les cieux? Si on dit qu'il est dans les cieux, ça veut dire qu'il est entouré par sa créature, et donc ça, c'est pas correct de dire ça à propos d'Allah. Et nous, les ulama d'Ahl-Sunnah, ils ont répondu à ça en disant que lorsque Allah a dit qu'il est dans les cieux, As-Sama, dans la langue arabe, As-Sama, ça s'applique à toute chose qui est au-dessus de toi. Donc, en réalité, la définition ou l'explication du mot dans les cieux, ça veut dire vers le haut ou au-dessus. C'est ça que ça veut dire. Et il y a beaucoup de preuves de ça dans la langue arabe. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, nous avons fait tomber du ciel une eau, c'est-à-dire la pluie. Donc tout le monde sait que la pluie ne tombe pas du ciel, mais elle tombe des nuages. Mais Allah subhanahu wa ta'ala se réfère au ciel ici pour dire qu'elle tombe d'en haut. Donc tout ce qui est en haut, c'est le ciel. Sama en arabe. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple « A'amintum man fis sama », ça ne veut pas dire de quoi que Allah subhanahu wa ta'ala est dans le ciel, mais qu'il est au-dessus des cieux, d'accord, vers le haut. Comme il a dit qu'il est au-delà de son trône. Ar-Rahman ala al-arshi stawa. Et il est au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient, sans lui faire ressemblance avec sa créature, sans essayer de déformer le sens, sans nier la signification de ce que ça signifie dans la langue arabe, et en même temps sans demander comment. D'accord, ça c'est les quatre choses qu'on dit. Min ghayri takyifin, wala tashbihin, wala tahrifin, wala tamthil. Wala min ghayri ta'til wa tahrif wa takyif. Wa tamthil, yani si je ne me trompe pas, c'est l'exemple. Ibn Taymiyyah, les ulama ils disent tamthil plutôt que tashbih. Pourquoi? Parce que le terme qui est utilisé dans le Coran, c'est laysa ka mithlihi shay. Il n'y a rien qui est comme lui. Et non pas tashbih, c'est de ressemblance. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé le terme pour qu'il soit plus en accord avec le Coran plutôt que tashbih, parce que tashbih ça veut dire ressemblance, c'est la même chose. Donc il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était juste pour clarifier ce point-là, pour faire comprendre ce que ça veut dire Comme ça, si vous entendez quelqu'un qui vous dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous dites qu'il est dans les cieux, ils disent non, il ne faut pas dire ça, Allah n'est pas dans les cieux. Vous lui dites, les cieux, ça veut dire qu'il est au-dessus. C'est ça que ça veut dire, il est au-delà des cieux. Comme quand Allah dit que la pluie tombe du ciel, et bien on sait tous que la pluie tombe des nuages, elle ne tombe pas du ciel. Et le ciel, c'est en haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu a'lam. Et après, il dit, qala al-allam ibn al-qayyim. Voilà, il donne d'autres explications, mais on va pas les expliquer maintenant, on va les laisser pour la semaine prochaine.